Ok. Je les vois pas quand je suis pas bien. En plus de tous les insulter. C'est vrai que je m'aperçois qu'ils valent rien. Ils attendent juste de me voir chuter. J'ai salivé, salivé. Oh, j'ai salivé. J'ai salivé, salivé. Oh, j'ai salivé. Trop de talent, qui veulent me voir à l'ombre. Cette année, je vais mettre des buts, je vais me marquer du talent. Trop de talent, vers le bonheur, nous allons. Pas besoin de tous ces débuts pour monter de galon. Je reste à ma place, gros, moi j'ai pas le bras long. Ils font que le souplé, c'est plus une queue, c'est une rallonge. Un gros pétard avec mon vol Big Pet. On fume comme des zombies pour aller dans Walking Dead. Les trucs qui viennent péter, ils sortent une disquette. Reste tranquille, soit disqué, jusqu'au jour où ils pètent. Moi je rappe toujours pour les vrais, pour les causes. Dans le game, ça dort trop, je les bouscule, faut que je les pousse. Enragé, on les saute, on sent plus les coups. Fais gaffe à ton charbon, tes ennemis t'en surécoute. Quoi, ils s'appuieraient pas avec mon survêt et ma coupe. Dans les assiettes remplies, regarde quand même dans ma soupe. Des peu font des CZ des Beretta dans ma soute. Cherche la merde dans ton cul, on en a plus rien à foutre. Je viens de là où tout le monde a goûté la prison. Où on était tous soudés, c'est chacun sa mère à présent. J'ai l'impression que ces bâtards y jouent un rôle. Alors comme ça tu fais du rap mais tu ressembles à un troll. Ils voient ma tête, ils gardent ma tête et me contrôlent. J'ai l'agent, j'ai fumé du shit parce que ma vie n'est pas drôle. Je les vois pas quand je suis pas bien. Envie de tous les insulter. C'est là que je m'aperçois qu'ils valent rien. Ils attendent juste de me voir chuter. J'ai salivé, salivé. Oh, j'ai salivé. J'ai salivé, salivé. Oh, j'ai salivé. Je les vois pas quand je suis pas bien. Envie de tous les insulter. C'est là que je m'aperçois qu'ils valent rien. Ils attendent juste de me voir chuter. J'ai salivé, salivé. Oh, j'ai salivé. Salivé, salivé. Oh, j'ai salivé. Que Dieu te bénisse. Ah ouais, bande de fils de. Sentez la rage. Hein? Du tout le manège. Je crois bien que je viens d'une autre planète. Hey, hey, hey. Dans le platine.